like me that day. You guys don't believe that. Baby come, baby come, when I saw you now. Baby come, when I'm worried for more. Tu vas te voir, quand je veux faire. Je t'apporte là, je sais pour ça. Quand tu veux plus, t'es le super. Un sourire, pour ce que tu fais. Je suis là, quand tu es tu es de si belle, on sourit, on s'en prie pas.